all around the world, all around the world. From LA to Paris, LA to Paris. Gina Loring on the track. Gina Loring on the track. Yeah, come on, yeah. Laisse la vie vivre, les femmes sont vite vives. On rentre en vite vive, on se bat en vite vive. Laisse la vie vivre, les femmes sont vite vives. On rentre en vite vive, on se bat en vite vive. L'équipe vaisseau XO, la berline et la carte en poche. Des podcasts, les armes à l'extérieur de la boîte. Ça fait clic-clic, ce soir loin des artistes. Ni clic-clic, ni plaire-plaire. Cousine, on veut ton 06, celui de la sœur aussi. T'es sur la piste, et quand ton booty bouge sur tes cuisses, les refrains hallucinent. Les tailles de JB, Campbell, Clan, Chérie Absolue, Jack Daniels. Oui, on pète l'événement, va pas s'embrouiller bêtement. On veut que ça bouge, finir dans la pim pim. Le club enlève les vêtements. It's okay, it's alright. Gonna shake it all off, going out tonight, come on. Rajoute 100 euros pour la nuit, à moins que ça finisse au labo. En attendant, ça se met bien de quoi planer pour la nuit. It's okay, it's alright. Gonna shake it all off, going out tonight, come on. Laisse la vie vivre, les femmes sont vite vives. On rentre en vite vive, on se bat en vite. It's okay, it's alright. Gonna shake it all off, going out tonight, come on. Baisse la vie, les femmes sont vite, on rentre en vite, vite. On se bat en vite, vite. It's okay, it's alright. Gonna shake it all off, going out tonight, come on. On rentre en vite, vite. Ce soir c'est fait, fait. Le cerveau fait zip, zip. Douce en vite, c'est zip. Rajoute 100 euros pour la nuit, à moins que ça finisse au labo. En attendant, ça se met bien de quoi planer pour la nuit. 0, 1, 2, 3, aucun con dès qu'il s'agite. 0, 4, 5, 6, rien que des bourbons sur la piste. Sors la sève et sans bleu, vu que j'étais l'eau pour la mise. Sur les surfs, ça sniff, sniff, c'est 0, 7, 8, 9. Les femmes sont vite, on rentre en vite, on se bat en vite. It's okay, it's alright. Gonna shake it all off, we're going out tonight, come on. Baisse la vite, les femmes sont vite, on rentre en vite, on se bat en vite. It's okay, it's alright. Gonna shake it all off, we're going out tonight, come on. Franck, va falloir que tu me donnes un peu plus de fric. Explique. Je veux plus de thunes pour planquer ta cam ici.